بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل اليوم في باب جديد وهو باب تحية المسجد. C'est un seul hadith qui sera cité dans ce chapitre-là. وهو الحديث السابع بعد المئة, qui est le 107e hadith. Donc تحية المسجد, c'est la salutation du masjid. Ce qui en découle. يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليجلس حتى يصلي ركعتين. سلوان أبو قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه لأن المسجد الله صلى الله عليه وسلم قال qu'aucun d'entre vous ne s'assoit, c'est-à-dire si l'un d'entre vous rentre dans le masjid, qu'il ne s'assoit pas tant qu'il n'aura pas fait deux rakaat, tant qu'il n'aura pas accompli deux rakaat. طيب يقول فضيلة الشيخ ابن العثيمين الراوي هو أبو قتادة le rapporteur c'est أبو قتادة الحارث بن ربعي dont on a déjà parlé auparavant. موضوع الحديث le sujet du hadith بيان حكم جلوس من دخل المسجد قبل أن يصلي ركعتين. Donc maintenant c'est le jugement de celui qui rentre au masjid avant qu'il ne s'assoie. Là, il y a cool, comme le Nusra de Rakatein, et je pense que ce qu'il veut dire par là, c'est avant qu'il ne s'assoie. Taïb. Fayakul fil sharh al-ijmali. Al-masajid abiyutullah azza wa jal wa mkinatu ibarati. Falam ne ta'zim mar aliku biha wa minhum hadatha bi Abu Qatada. Donc, les masajid sont les maisons d'Allah azza wa jal. Et les lieux de son adoration, de son culte. Donc, elles méritent d'être glorifiées également. D'accord ? D'être respectée et de, qu'elle reçoive la valeur qu'elle mérite, comme cela leur convient. Et parmi ces choses-là, ces actes justement qui amènent à rendre la valeur de ce masajid, ce qu'a rapporté Abu Qatada. Anna al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam naha dakhil al-masjid an yajlisa hatta yusalli rak'atayn ta'ziman lillahi azza wa jal. Donc, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a interdit à celui qui rentre dans le masjid de ne s'asseoir avant d'avoir accompli deux raka'at. Et cela par glorification d'Allah. Et cela par glorification d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Wa tasmi'in tahiyyat al-masjid liyanna dakhil yubtada bihima kama yubtada dakhil ou yubtada bihima kama yubtada al-dakhil ala al-kum bitahiyya. Et donc elles ont été nommées comme salutation du masjid, car celui qui y rentre commence par cela. Tout comme celui qui rentre chez des gens commence par le saluer. Naam. Donc savoir que cette nomination, c'est une terminologie des savants. Il n'y a pas de dalil à l'appui. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a pas nommé ces deux rakats de la sorte. Cependant, chez les savants, cela a été nommé de la sorte pour qu'on sache de quoi on parle. Mais en réalité, ce n'est pas une nomination qui est, elle, basée sur un décret divin. Mais il n'y a pas de mal à nommer les choses, à nommer des terminologies aux choses, afin que les gens sachent de quoi tu parles, puis qu'ils puissent se reconnaître. Donc elles ont été nommées de la sorte car celui qui rentre dans le masjid avant de s'asseoir commence par cela, tout comme ceux qui rentrent chez des gens commencent par les saluer avant de s'asseoir et de discuter avec eux. Yaqul min fawaid al-hadith, enseignement type du hadith, nahi dakhil al-masjid an al-julus hatta yusalli rak'atayn wa law dakhala fi waqt an-nahi wa huwa al-qawl ar-rajih, qu'il est interdit à celui qui rentre dans le masjid de s'asseoir avant d'avoir accompli deux rak'at, quand bien même serait sur un temps où la salat est interdite, détestable, comme par exemple juste avant le maghreb, ou juste au moment où le soleil se lève, ou au moment du zénith, sur les temps interdits de la salawat. Celui qui rentre au masjid à ce moment-là, il le permet, car ça rentre dans les salats qui sont zat al-sabab, qui sont des salats qui ont une cause. Et celles qui ont une cause, ces salawat-là, ces obligatoires qui ont une cause, quand je dis obligatoires, je dis autre que les salats obligatoires au maktouba au quotidien, ces salats-là, qui ont une cause, elles peuvent être accomplies dans les temps d'interdiction, malgré tout. ثم قال من فوائد هذا الحديث عموم الحديث يقتضي أنه يصلي ركعتين ولو دخل في وقت النهي ووقوع الراجح. Donc là, le deuxième faïda revient à la première. Je ne sais pas pourquoi il a répété que la généralité englobée dans le hadith implique qu'ils doivent faire deux rakat, même s'ils rentrent dans l'heure où il est interdit de faire la salat, et ça c'est l'avis prépondérant. ثالثا أنه لا يجزى ركعة واحدة ولا الصلاة الجنازة. Et qui n'est pas permis de faire une sarakat, ni de faire salat al-janaza. Par exemple, quelqu'un il rentre, il y a une janaza qui se fait, il fait avec eux, après il s'assoit. On dit là, ce n'est pas valable. Car salat al-janaza, elle n'est pas faite comme les autres salawat. Il n'y a pas de recours, il n'y a pas de sujoud, ou les alika. Et le fait de faire une sarakat ne suffit pas. Cette sarakat ne suffit que pour le witr. En dehors de cela, il n'y a aucun moment où on fait une salat de, une sarakat. Et de là, on ajoute que, en fait, à comprendre la chose, c'est qu'à partir du moment où tu rentres dans le masjid et que tu as fait deux rakat, quelle qu'elle soit, après ça, tu peux t'asseoir. Par exemple, tu es rentré, tu as fait l'odo. Et tu fais les deux rakats de l'odo. C'est une sunna. Après cela, tu n'as pas à te relever et faire deux nouvelles rakats pour t'asseoir. Non, ça suffit. Tu rentres, tu as fait le doha. Dans le masjid, par exemple. À ce moment-là, tu peux t'asseoir directement. Tu rentres, tu es avant le dhor. Tu as fait deux rakats surgatoires, qu'ils ont, les rawatib, comme on en a parlé auparavant. Les salats surrogatoires qui sont liés aux obligatoires. Tu as fait deux rakats, par exemple. Et après, tu veux t'asseoir. Tu peux t'asseoir directement. Tu n'es pas obligé. En fait, ces deux rakats en elles-mêmes peuvent être compensées par deux autres rakats, d'autres salawats. Le plus important, c'est qu'avant de t'asseoir dans le masjid, tu aies fait deux rakats. Ou plus. D'accord ? Ou plus. Et ne sont pas ces deux rakats en elles-mêmes qui sont valables. Et kadhalik, parmi les conditions pour qu'elles soient obligatoires, c'est que tu rentres dans le masjid et que tu aies les ablutions. Tu aies l'ozo. Tu n'as pas l'ozo, tu peux t'asseoir directement. Tu n'es pas obligé d'aller faire les ablutions pour après venir et faire dans la carte et t'asseoir. Ça, ce n'est valable que pour celui qui rentre qui a les ablutions. D'accord ? Lui, il rentre, et s'il a fait de la carte, quelle que soit cette carte-là, il peut s'asseoir par la suite. Azaou. Summa qala. Rabi'an ta'kid hurmat al-masajid. La confirmation que cela affirme et appuie la sacralisation des masajid, que sont des lieux également sacrés dans lesquels on ne peut faire ce qui bon nous semble. Mais il y a des règles à suivre. Et parmi ces règles, qu'on ne peut s'asseoir si ce n'est avant d'avoir fait de la carte. Naam. Hadha alladhi akhadna al-yumna al-hadith. Walhamdulillahi rabbil alamin.